3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Un programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Eleanor Bernstein est née en 1938 dans le quartier de Brooklyn à New York. Son père, étant médecin, ce dernier laissera son épouse élever en grande partie Eleanor et sa sœur aînée, Frances. Provenant d'une famille juive, Bernstein ira passer plusieurs étés dans les complexes de luxe Grossinger's Catskill Resort Hotel dans les montagnes Catskill. Pendant que ses parents jouaient au golf, Bernstein deviendra une reine adolescente du mambo, participant à diverses compétitions locales et remportant de nombreux prix. À l'université, elle travaillera comme professeure de danse dans les studios de danse Arthur Murray avant d'obtenir son diplôme de l'Université de Pennsylvanie en 1958. En 1966, elle épouse Michael Paul Goldman, un professeur en langue anglaise, et travaillera comme romancière, écrivant notamment le livre Advancing Paul Newman en 1973. Par la suite, elle s'essaiera à l'écriture de scénarios en écrivant It's My Turn, un film distribué en 1980 qui mettait alors en vedette l'acteur Michael Douglas aux côtés de l'actrice Jill Clayburgh. Le long-métrage aura un certain succès, mais apportera à Bernstein une nomination comme pire scénario au Razzie Award de 1981. Ce sera durant la production de ce film qu'un événement surviendra, forçant Bernstein à travailler sur sa prochaine œuvre littéraire cinématographique. En effet, durant la production de It's My Turn, les producteurs couperont une scène de danse érotique du scénario. Cela incitera donc la jeune scénariste à écrire une histoire plus longue, se concentrant sur ce qui était appelé, à l'époque, la danse sale. Ce style de danse était considéré comme moralement impur, indécent et sexuellement provocateur, durant lequel les partenaires masculins et féminins dansaient en contact étroit avec des mouvements corporels sexuellement provocateurs. Se basant sur ses expériences vécues à Grossinger's Catskill Resort Hotel, Bernstein, surnommé Baby durant sa jeunesse, écrira un scénario qui allait devenir l'un des films les plus marquants de la fin des années 80, soit Dirty Dancing, qui sera suivi d'un prequel en 2004 ainsi que d'un remake 30 ans plus tard. Donc, préparez-vous à danser de façon provocatrice dans ce programme double où je vous parlerai du classique de 1987 Dirty Dancing, mais également de Dirty Dancing Havana Nights, réalisé en 2004, et du remake, produit en 2017. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, Movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ditch. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive. Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Out of life. Go out to a movie. The heat is in the music. The music sets you dancing. The dancing sets her free. Best Drawn Pictures presents Dirty Dancing. She thought it would be just another summer vacation. Who's that? Oh, them. They're the dance people. But it turns out to be the time of her life. Watch me now! I can't even do the merengue. He teaches her what she can do. I'm not sure who you are, but I don't want you to have anything to do with those people again. Baby, I don't see you running up to Daddy telling him I'm your guy. Will, with my father, it's complicated. I will tell him. I don't believe you, baby. She shows him all he can be. You gotta stop it now. I know what I'm doing, Penny. I'm scared of everything. Most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way I feel when I'm with you. What they learn from each other feels too good to be wrong. Dirty Dancing, starring Patrick Swayze, Jennifer Grey, and Cynthia Rhodes. Get ready for the time of your life. Dirty Dancing, ou Danse lascive, est un drame sentimental qui a été produit par les studios Vestron Pictures et distribué en salle le 21 août 1987. Ce film américain d'une durée de 100 minutes coûtera plus de 4,5 millions de dollars à produire, mais amassera plus de 214,6 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y trouve le metteur en scène américain Emil Ardolino, lui qui avait réalisé les films Chances Are, Sister Act et Three Men and a Little Lady. On y retrouvera au niveau du poste de producteur la productrice américaine Linda Gottlieb, elle qui avait travaillé sur les films The Mating Season, Limbo et Soldier's Girl, alors que la scénariste américaine Eleanor Bernstein, elle qui avait travaillé sur It's My Turn et Let It Be, travaillera sur la scénarisation de ce long métrage. Au niveau de la distribution, on y retrouve Jennifer Grey, Patrick Swayze, Cynthia Rhodes, Jerry Orbach, Jane Brucker, Jack Weston, Lonnie Price, Kelly Bishop, Max Cantor, Charles Coles, Neil Jones, Miranda Garrison, Gary Goodrow, Paula Truman et Wayne Knight. Durant l'été 1963, une jeune adolescente de 17 ans doit se rendre avec sa famille dans un chic hôtel des Appalaches pour y passer ses vacances estivales. En s'aventurant un soir dans la partie du domaine réservée aux employés, elle surprend ces derniers emportés dans une danse follement sensuelle et s'éprendra alors de l'instructeur de danse sociale de l'emplacement à l'insu de ses parents. après que sa séquence de danse érotique soit retirée de son scénario de It's My Turn durant la production du long-métrage, Bergstein débutera l'écriture de son prochain scénario qui serait basé sur ses expériences personnelles durant ses voyages d'été passés dans les complexes de luxe Grossinger's Catskill Resort Hotel dans les montagnes Catskill situées près du village de Liberty à New York. En 1984, Bergstein présentera l'idée de Dirty Dancing à la productrice Linda Gottlieb, qui, à son tour, discutera du projet avec la dirigeante de l'époque des studios MGM, Ellen Mizell, qui aimera l'idée et achètera alors les droits cinématographiques. Par la suite, elle embauchera Bergstein comme scénariste principal et Gottlieb à titre de productrice, tout en leur promettant un budget de plus de 10 millions de dollars. Le scénario sera alors complété en novembre 1985, mais des changements dans la haute direction des studios MGM mettront alors le projet dans la catégorie « Development Hell », ce qui voulait dire que le projet ne verrait probablement jamais le jour. Refusant de baisser les bras, Bergstein donnera son scénario à d'autres studios, mais sera rejeté à plus de 43 reprises. Malgré ses refus, Bergstein et Gottlieb choisiront un réalisateur en la personne de Emil Ardolino, un jeune metteur en scène qui n'avait jamais réalisé de long métrage jusqu'à présent, mais qui était extrêmement passionné par le projet après avoir lu le scénario. Né en 1943, Ardolino avait tout de même remporté l'Oscar du meilleur documentaire en 1984 pour sa réalisation de He Makes Me Feel Like Dancing, distribué en salle en 1983. C'est alors que le téléphone sonnera et que la toute nouvelle compagnie de production Vestron Pictures se montrera intéressée par le dit projet. Suite à une rencontre entre la scénariste, la productrice et le réalisateur, ainsi que le président de Vestron, John Pessinger, et le vice-président de la Société pour la production, Mitchell Canold, il sera entendu que Dirty Dancing deviendra l'une des toutes premières productions de long-métrage de la compagnie Vestron, à condition que le budget soit réduit de moitié, soit pour moins de 5 millions de dollars, ce à quoi acquiesça la productrice Linda Gottlieb. Ce sera Kenny Ortega qui sera choisi pour réaliser les différentes chorégraphies du long-métrage. Formé par l'acteur légendaire Gene Kelly sur le film de 1980 Xanadu, Ortega avait également travaillé comme chorégraphe sur des films tels que St. Elmo's Fire, Pretty in Pink et Ferris Bueller's Day Off. Du côté de la distribution, le réalisateur Emil Ardolino insistera sur le fait que, contrairement à des films comme Flashdance ou Footloose, les acteurs devait avoir une expertise de danse. Pour le rôle principal féminin, Winona Ryder et Sarah Jessica Parker seront considérées, mais ce sera Bergstein qui choisira l'actrice Jennifer Grey, alors âgée de 26 ans, cette dernière étant la fille de l'acteur et danseur oscarisé Joel Grey, qui avait joué dans le film Cabaret de Bob Fosse, sorti en salle en 1972. Du côté du rôle principal masculin, Val Kilmer, Benicio del Toro et finalement Billy Zane seront considérés pour le poste. Cependant, surtout dans le cas de Zane, les tests d'écran initiaux lorsqu'ils étaient en partenariat avec Grey ne répondront pas aux attentes. Ce sera finalement l'acteur de 34 ans Patrick Swayze qui sera choisi, mais il faudra de sérieuses négociations entre les producteurs et l'acteur, le CV de ce dernier précisant qu'il ne pouvait jouer dans aucune scène de danse à cause d'une blessure au genou subite plusieurs années auparavant. Au final, Swayze, qui avait été un danseur, chorégraphe et professeur de danse dans sa jeunesse, lira le scénario au complet et aimera le personnage au point d'accepter de signer son contrat. Grey n'était pas contente du choix final de son partenaire, car elle et Swayze avaient eu du mal à s'entendre sur le tournage du long-métrage Red Dawn, qui fut distribué en salle en 1984. En effet, la jeune femme fut victime de blagues continuelles provenant de ses confrères durant toute la durée du tournage, incluant Swayze. L'acteur réussira tout de même à convaincre la jeune femme de rester dans la production. Pour le reste de la distribution, ce sera Cynthia Rhodes, que l'on avait précédemment vue dans Flashdance et Staying Alive, qui sera embauchée pour interpréter le rôle de Penny. Les autres choix furent l'acteur Jerry Orbach, dans le rôle du père de Baby, et Jane Brooker, dans le rôle de Lisa Houseman, sa sœur aînée. Bergstein a également tenté de choisir son amie, la sexologue, le docteur Ruth Westheimer, pour interpréter Madame Schumacher, et Joel Grey comme son mari. Cependant, Westheimer reculera lorsque cette dernière a appris que le rôle impliquait d'être un voleur, faisant en sorte que le rôle ira à l'actrice Paula Truman. Cependant, un autre rôle ira à un ami de Bergstein, soit la personnalité de la radio new-yorkaise Bruce Morrow, qui interprétera ici le rôle du magicien. Morrow servira également de consultant en musique d'époque. Pour le rôle du directeur social, ce dernier est allé à l'acteur Wayne Knight, alors inconnu dans le milieu cinématographique. À l'origine, le rôle de Marjorie Houseman, la mère de Baby, devait être tenu par l'actrice Lynn Lipton, qui avait joué dans le film de 1984, A Chorus Line, aux côtés de Michael Douglas. Mais cette dernière tombera sérieusement malade durant la première semaine de tournage et sera alors remplacée par l'actrice Kelly Bishop, qui devait initialement jouer le rôle de Vivian Pressman, ce rôle échouant finalement à l'assistante chorégraphe du film, Miranda Garrison. Avec un budget réduit, Bergstein, Gottlieb et Ardolino devront trouver des emplacements beaucoup moins dispendieux afin de pouvoir tourner leur production. Ce sera l'emplacement de Mountain Lake Lodge, près de Pembroke en Virginie, qui ressemblait au Catskill, qui sera choisi, la main-d'œuvre non syndiquée coûtant beaucoup moins cher aux producteurs. D'autres scènes seront également tournées au camp d'été Okunichi à Lake Lure, en Caroline du Nord. À cause d'un retard incontrôlable, le tournage débutera le 5 septembre 1986 pour se conclure le 27 octobre de cette même année. Cela compliquera quelque peu la production puisque l'histoire devait se dérouler en été, forçant ici l'équipe de production à repeindre les feuilles d'arbres en vert et les recoller sur ceux-ci. De plus, toutes les scènes se situant dans le lac seront extrêmement difficiles en raison de la température de l'eau. La production sera également difficile à cause de la profonde mésentente qui régnera entre les acteurs Patrick Swayze et Jennifer Grey, qui ne s'appréciaient guère. La scène où Johnny Castle s'énerve lors des répétitions de leur danse parce que Baby ricane quand il lui frôle les aisselles était bel et bien réelle, Swayze croyant que l'actrice ne prenait pas son rôle au sérieux. En effet, le réalisateur avait décidé de tourner tous les moments de répétition de ses comédiens, encourageant même celle-ci à improviser, ce qui donnera plusieurs moments cultes du film. La relation entre les deux acteurs principaux deviendra rapidement toxique au point où Grey et Swayze s'affronteront durant chaque scène. Pour résoudre ce problème, les producteurs et les réalisateurs vont forcer les deux étoiles à revoir leurs tests d'écran initiaux qui montraient alors une chimie à couper le souffle. Cela aura l'effet escompté puisque les deux comédiens reprendront leur travail avec une énergie et un enthousiasme renouvelé. Une autre scène mémorable de Dirty Dancing n'était pas du tout chorégraphiée ou scénarisée. Ce sera la scène dans le studio de danse dans lequel Johnny et Baby s'entraînent et finissent par ramper sur le sol, le tout synchronisé avec la chanson « Love is Strange ». Il s'agira encore une fois d'un moment d'échauffement entre les deux acteurs qui avait l'air si naturel que le réalisateur décidera de retourner cette scène qui séduiront les spectateurs. Du côté température, eh bien, alors qu'à l'extérieur, celle-ci pouvait descendre à seulement 4 degrés Celsius, le tournage intérieur de jour causait également de sérieux problèmes aux acteurs. En effet, la température à l'intérieur du bâtiment où sera tournée la scène finale pouvait atteindre par moments 49 degrés, chaleur causée principalement par l'équipement d'éclairage nécessaire au tournage. À un certain moment, plus de 10 personnes perdront connaissance durant le tournage d'une séquence, dont l'actrice Paula Truman, alors âgée de 89 ans, qui devra être amenée d'urgence à l'hôpital local après s'être effondrée pour déshydratation. Même l'acteur Patrick Swayze visitera l'hôpital. En effet, l'acteur insistait pour faire toutes ses propres cascades et il tombera pendant la scène de pratique d'équilibre dans le lac et se blessera à nouveau au genou, blessure qui avait mis fin à sa carrière de danseur plusieurs années auparavant. Malgré cela, l'acteur continuera jusqu'au bout à réaliser toutes ses séquences de danse, et ce, malgré la douleur intense qu'il ressentait. Suite à la fin du tournage, qui se fera dans les délais et les prévisions budgétaires prévues, un premier montage sera réalisé et celui-ci sera détesté par les hauts dirigeants de Vestron, qui seront alors convaincus que le film allait être un flop. Même l'exécutif de la compagnie, Mitchell Cannell, suggérera de brûler le négatif et ainsi récupérer l'argent de la production à l'aide de leurs assurances. Devant cette réaction, les dirigeants de Vestron prévoiront ne sortir le film en salle que durant un seul week-end avant que le film soit distribué en vidéocassette, la compagnie Vestron ayant fait ses débuts dans le secteur de la distribution de cassettes pour les clubs vidéo à l'époque. De plus, la compagnie cherchait à trouver un sponsor corporatif pour pouvoir financer une partie du budget. Ce sera finalement la compagnie de produits contre l'acné Claracil qui sera intéressée par le film, les personnes travaillant dans la section marketing de cette compagnie considérant comme un moyen efficace d'atteindre leur public cible d'adolescents. Cependant, lorsqu'ils apprendront que le film contenait une scène d'avortement, ils ont demandé que cette partie de l'intrigue soit coupée. Lorsque l'équipe de production refusera, la compagnie Claracil se retirera du projet. Suite à cet événement, Vestron reportera la sortie prévue en juillet 1987 au mois d'août, plus précisément une semaine avant le retour en classe de son public cible. D'ailleurs, ce moment où le sujet de l'avortement sera apporté dans le long métrage causera beaucoup de nuits blanches à l'équipe de production qui devra remonter le film à plus de 3 reprises afin d'obtenir un classement PG-13 de la MPA. Autre situation loufoque, les bobines du film seront retenues à la frontière canadienne car les autorités frontalières du pays étaient persuadées qu'il s'agissait ici d'un film pornographique, donnant même l'idée à la scénariste Eleanor Bergstein de changer son titre Dirty Dancing pour I Was a Teenage Mambo Queen. Le film aura sa grande première au Festival de Cannes en mai 1987. Alors que l'été 1987 comportait une compétition féroce avec des films tels que Robocop, Beverly Hills Cop 2, The Lost Boys, The Living Daylights, The Untouchables, Predator, Inner Space, The Witches of Eastwick, Platoon et Fatal Attraction, cette romance musicale se déroulant en 1963 attira un public adulte au lieu des adolescents attendus. De nombreux spectateurs, après avoir vu le film, retourneront au cinéma pour le regarder une seconde fois. La promotion par le bouche à oreille propulsa alors le long métrage au premier rang du box-office aux États-Unis et en 10 jours, Dirty Dancing franchira la barre des 10 millions de dollars. En novembre, le film acquérera également une renommée internationale. Dans les 7 mois suivant sa sortie, le long métrage amassera plus de 63 millions de dollars aux États-Unis et augmentera la fréquentation des cours de danse à travers toute l'Amérique. Au final, et ce à la grande surprise des exécutifs de Vestron, Dirty Dancing terminera au 16e rang du box-office nord-américain et au 11e rang du box-office international pour l'année 1987. La bande originale du film deviendra également un succès commercial aux États-Unis, à la grande surprise de la compagnie RCA. En effet, l'album restera plus de 18 semaines à la première place du Billboard 200 et se vendra à plus de 32 millions d'exemplaires dans le monde entier, devenant l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Ce succès donnera naissance en 1988 à un autre album intitulé « More Dirty Dancing ». La chanson « She's Like the Wind » sera interprétée par l'acteur Patrick Swayze. Swayze avait coécrit à l'origine cette pièce avec Stacy Widlith pour le long-métrage « Grandview USA », qui fut réalisé par le metteur en scène Randall Kleiser et distribué en salle en 1984. Lorsque sa chanson ne sera pas retenue, Swayze cherchera à vendre celle-ci au producteur du film de 1986 « Youngblood » avant de le soumettre finalement au producteur de « Dirty Dancing » Linda Gottlieb et à son réalisateur Emil Ardolino. La chanson deviendra par la suite une vidéo à succès de MTV et monta au 3e rang du Billboard Hot 100. L'actrice Jane Brooker, qui interprète la sœur aînée du personnage principal, coécrira la chanson Oula Anna, mais ne sera pas créditée dans le générique du long-métrage. Son travail de compositrice sur Oula Anna ne sera pas reconnu avant le 18 mars 2002. Mais ce sera véritablement la chanson de Time of My Life qui fut composée par Frankie Previte et interprétée en duo par Bill Medley et Jennifer Warnes qui sera la plus populaire, cette dernière remportant en 1988 le Golden Globe ainsi que l'Oscar pour la meilleure chanson de l'année. Un événement tragique surviendra au tout début de la tournée publicitaire du film. En effet, l'actrice Jennifer Grey était sur le point de débuter la promotion de Dirty Dancing lorsqu'elle et son petit ami de l'époque, l'acteur Matthew Broderick, fut impliqué dans une collision frontale dans leur voiture de location en Irlande du Nord. Dans cet accident, survenu le 5 août 1987, Broderick, qui conduisait une BMW sur Temple Road à l'extérieur du petit village de Temple, se retrouvera alors dans la mauvaise voie, entrant en collision frontale avec une Volvo conduite par Anna Gallagher, âgée de 28 ans, et de sa mère, Margaret Doherty, 63 ans. Les deux femmes seront toutes deux tuées sur le coup. Broderick aura des fractures à une jambe et aux côtes, une commotion cérébrale et un poumon écrasé, alors que les blessures de Gray comprenaient un sévère whiplash cervical qui nécessitera plus tard une intervention chirurgicale afin d'éviter la paralysie. Broderick, qui n'avait aucun souvenir de l'accident lorsqu'il se réveilla à l'hôpital, sera accusé d'avoir causé la mort pour conduite dangereuse et risquera plus de 5 ans de prison. Au final, l'acteur sera reconnu coupable de l'accusation et sera condamné à une amende de 175 $ américains au grand désarroi de la famille des victimes. Suite à son succès en salle et au niveau de sa trame sonore, Dirty Dancing deviendra le tout premier film de toute l'histoire de la vente des vidéocassettes à franchir le cap du million de copies vendues, ce dernier atteignant plus de 11 millions d'exemplaires. Ce succès complet engendra par la suite une série télévisée, une production théâtrale internationale, deux films, soit un prequel ainsi qu'un remake, ainsi qu'une émission de compétition non scénarisée intitulée The Real Dirty Dancing, qui sera présentée en streaming sur la chaîne Hulu. En 1997, le long-métrage sera de nouveau distribué dans les salles nord-américaines afin de célébrer le 10e anniversaire de sa création. C'est durant cet événement que l'acteur Patrick Swayze recevra son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La réplique du film « Nobody puts baby in a corner » obtiendra la 98e position pour les citations les plus populaires de l'American Film Institute. Fait cocasse, Swayze détestait tellement cette réplique qu'il a toujours prétendu avoir dû rassembler toutes ses forces pour la dicter. Le 20 novembre 1993, le réalisateur Émile Adolino décédera suite à des complications reliées au sida. Plusieurs acteurs nous quitteront également avec le temps, notamment Paula Truman, qui mourra de mort naturelle le 23 mars 1994, Jerry Orbach, le père de Baby, qui succombera des suites d'un cancer de la prostate le 28 décembre 2004, et finalement Patrick Swayze, qui mourra suite à un cancer du pancréas le 14 septembre 2009. Le lac de l'hôtel à Mountain Lake Lodge s'asséchera en 2002 et une pierre à la mémoire de Patrick Swayze y sera alors déposée. Du côté des points forts, eh bien, la force de frappe de Dirty Dancing est le choix judicieux de la trame musicale qui est ici la véritable vedette de cette production modeste. D'ailleurs, le travail de chorégraphie de Kenny Ortega est également à souligner, l'homme sachant utiliser à merveille les talents de danseur de la distribution et réalisant des segments de danse spectaculaires et entraînants. La mise en scène de Adolino est sobre et attentive au développement psychologique des personnages qu'il sait rendre intéressant en dépit d'un scénario quelque peu naïf. La distribution est également de très haute qualité ici, la chimie entre Swayze et Gray perçant l'écran au grand plaisir de l'auditoire. Mais du côté des points faibles, eh bien, la véritable faiblesse de Dirty Dancing est son scénario fort simpliste avec des dialogues de piètre qualité, certaines répliques nous faisant tout simplement rire par leur stupidité. Un autre problème réside avec la deuxième partie du long-métrage, qui est beaucoup moins bonne que la première parce qu'elle se concentre beaucoup plus sur les différents problèmes rencontrés par les personnages que sur les segments de danse. Malgré cela, le rythme est excellent, ce qui permet à l'auditoire de passer un excellent moment devant l'écran. Du côté musical, eh bien, c'est le compositeur américain John Morris qui en a la responsabilité, lui qui avait réalisé les soundtracks des films The Wash, Clue, To Be or Not to Be et The Elephant Man. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore de Dirty Dancing. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Rosa. Other's hand. the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear it's the truth, and I hope it. Now, intermission. Refreshment time. The Dairy Queen, won't you come with me along the milkshake way? I've got lots of good surprises, fresh and yummy for you every day. There are malts and shakes and sundaes too, whenever you stop. And of course your very, very favorite, the cone with the curl on top. You don't have to just dream about Dairy Queen. Your favorite Dairy Queen treat is a refreshing reality at your nearest Dairy Queen store. Golden pure creamery butter, rich, flavorful, satisfying. That's what it takes for the finest buttered popcorn, and that's what we use. See for yourself why there's no Showtime treat to equal the crisp, delicious flavor of hot popcorn that's bathed in real melted butter. It's at the concession stand now. They thought it would be just another summer vacation. Oh, we made it! But it will turn out to be the time of their lives. I carried a watermelon. He teaches her what she can do. She shows him all she can be. Oh, my God! Yeah. We're doing dirty. It was quite raunchy. And I was like, wait, I've actually got to do this? What they learn from each other feels too good to be wrong. I just punched him in the face. Starring Hugh Sheridan, Jessica Rowe, Jamie Dewey, Stephanie Rice, Firas Durrani, Anna Heinrich, Jude Bolton, and Pam Edmonds. Nobody puts Anne in the corner. The real Dirty Dancing. So consistently out of time. Is coming to 7. Get ready for the time of your life. This is a dill pickle, a mighty pretty pickle, especially when he joins you at the show. We have lots of pretty pickles waiting for you at the refreshment center. They're plump, tender, mouth-watering. Wouldn't one taste good right now? When you're on a picnic, hot dogs are mighty good this way. But when you're here at the theater, hot dogs are at their best. We start with the choicest Franks. Cook them until they're just right. Make available your favorite seasonings and leave the rest to you. Everyone likes our hot dogs. Why not get one for everyone right now? We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Felt a sudden urge for Cuban music? My God, June Cleaver is in Havana. Actually, that's my sister Katie. A bunch of us are going to our country club on Saturday. Would you like to go with me? I really do have a lot of work to do. On Saturday night. Is this square? Is this square good or bad? It's bad. Let me see, it's square. So the country club wasn't all you expected? God, what'd she do, paint it on? Well, we thought we'd expand our horizons a little bit. Do you mind if I dance with your date? Well, you'll have to ask her. Okay. Hey! You're a pretty good dancer. I was terrible. Yeah, you were terrible. There's this dance contest at the palace. You'd have to be my partner. You mean dance with you? Feels like dancing with my mother's ironing board. Close your eyes. It's important that you not let a boy pressure you. It's a dance about being exactly who you want to be in that moment. Y tu mamá también's Diego Luna. And introducing Romola Gary. Where's Katie? Just wait. Funny thing is when I look into your eyes, I see something so sincere in your disguise. I'll be the one blowing kisses from the top. So baby, stop, you're so bad, yeah. I've got my love. Dirty Dancing, Havana Nights, ou Danse lascive 2, Les nuits de la Havane, est un drame sentimental qui a été distribué par les studios Lionsgate Films le 27 février 2004. Ce film américain d'une durée de 86 minutes coûtera 25 millions de dollars, mais n'amassera que 27,7 millions de dollars à travers le monde entier. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène américain Guy Ferland, lui qui avait travaillé sur les films The Babysitter, Delivered et Bang Bang, You're Dead. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Lawrence Bender, lui qui avait produit les films Reservoir Dogs et Jackie Brown, ainsi que la productrice américaine Sarah Green, qui avait travaillé sur les films Frida, City of Hope et American Buffalo. Au niveau du poste de scénariste, on y retrouve le scénariste américain Boats Yakin, qui avait travaillé sur les films The Punisher, la version 89, et The Rookie, la version 89, ainsi que la scénariste américaine Victoria Arch, qui avait travaillé sur les films Pally Road et Three Secrets. Dans la distribution, on y retrouve Romola Gary, Diego Luna, Cella Ward, John Slattery, Mika Burem, Jonathan Jackson, René Lavant, Patrick Swayze, January Jones, Maya et Angelica Aragon. En 1958, une famille s'installe dans un hôtel chic de la Havane où habitent d'autres Américains fortunés, insouciants face à la pauvreté de la population locale. Studieuse et timide, la fille aînée y découvre la sensualité des danses afro-cubaines et fréquente secrètement un serveur de l'hôtel qui se révèle être un excellent danseur. Mais lorsque leur liaison est découverte, l'homme est alors congédié et la jeune femme lui propose alors de participer à un concours de danse organisé par ce même hôtel. Suite au succès monstre du premier film, les exécutifs de la compagnie Vestron et les producteurs de Dirty Dancing chercheront à produire une suite et offriront même jusqu'à 6 millions de dollars à l'acteur Patrick Swayze pour reprendre son rôle de Johnny. Malheureusement, Swayze, qui n'était pas un amateur de suite, refusera l'offre. En 1988, Vestron cherchera à pénétrer le marché de la télévision en produisant une série télévisée intitulée Dirty Dancing. La compagnie s'associera alors avec la chaîne CBS pour produire cette dite série qui était basée sur le film, mais n'ayant aucun des acteurs ou du personnel d'origine afin de sauver sur les coûts de production. Les comédiens Patrick Cassidy et Melana Hardin obtiendront donc les rôles-titres, alors qu'au titre de financement, Steve Titch s'associera avec Vestron et ce sera Robert Rabinovich et Barra Grant qui seront alors embauchés pour écrire et s'occuper de la production de la série. Des ajustements seront faits pour rendre le produit plus accessible à l'auditoire, dont le caractère juif de la famille qui sera réduit à une quasi-invisibilité et le fait que l'héroïne ne sera plus la fille d'un invité aisé, mais plutôt celle du propriétaire de la station. Cependant, la série comprendra plusieurs chansons populaires du film de 1987, telles que « I've Had the Time of My Life » et « Do You Love Me ». Le chorégraphe Kenny Ortega sera de retour pour orchestrer les divers segments de danse de la série qui sera alors diffusé à partir du 29 octobre 1988 et dont chaque épisode n'était que d'une durée de moins de 30 minutes. Malgré d'excellentes critiques, la série ne parviendra pas à trouver son auditoire et sera annulée en janvier 1989 après la diffusion de seulement 11 épisodes. Durant cette même période de 88, une tournée sous le nom de Dirty Dancing Live in Concert sera organisée. Le spectacle, qui mettra en vedette les danseurs du film Dirty Dancing, ainsi que les chanteurs et chanteuses Bill Medley, Mary Clayton et Eric Carmen, sera présenté sur une période de 3 mois, et ce, dans plus de 90 villes américaines. Mais, avec le temps, le projet de film cinématographique s'évanouira dans l'air, spécialement lorsque la compagnie Vestron se mettra sous la protection de la faillite le 11 janvier 1991. La compagnie sera alors rachetée par Live Entertainment au coût de 27,3 millions de dollars et ce sera en avril 1998 que la compagnie Live Entertainment verra son nom changé par celui de Artisan Entertainment avant d'être à son tour vendu le 15 décembre 2003 à la compagnie Lion Gates Entertainment Incorporated. En 92, Peter Segal, un artiste qui agissait durant cette période comme scénariste de pièces de théâtre ainsi qu'animateur de radio, écrira un scénario intitulé « Cuba Mine », dans lequel il racontera comment une jeune Américaine tombera amoureuse d'un garçon cubain pendant la Révolution. Cette histoire, qui se devait à l'origine être un drame sérieux, avec en arrière-plan l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, sera vaguement inspirée par des événements réels de la vie de la chorégraphe américaine Johan Jensen, dont le père, alors cadre d'entreprise, déménagera sa famille dans la capitale cubaine à la fin des années 1950, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Formée comme ballerine, Jensen découvrira la musique cubaine et ses mouvements et tombera également amoureuse d'un jeune garçon du coin. Le scénario sera demandé par le producteur Lawrence Bendaralor, qui devenait très populaire à Hollywood après la production du film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Puis, les droits seront achetés par un scénario de production qui demandera alors plusieurs réécritures avant que finalement le projet ne soit abandonné. Une décennie plus tard, Bender décidera de reprendre le scénario de Segal et d'en faire une suite de Dirty Dancing. Le scénario sera alors totalement réécrit par Bortz Yakin et Victoria Arch, les deux auteurs ne conservant aucune ligne du script original. C'est à ce moment que le titre changera pour Dirty Dancing, Havana Nights. L'acteur Ricky Martin sera le premier choix dans le rôle de Xavier Suarez, rôle qui ira finalement au jeune comédien Diego Luna, dont la prestation dans le film mexicain Y tu mamá también lui avait donné une certaine popularité. Récemment, Luna héritera du personnage de Cassian Andor dans le film Rogue One, A Star Wars Story, distribué en 2016, rôle qu'il reprendra par la suite dans la série Andor, présentée sur la chaîne Disney+, à partir de 2022. Pour le rôle de Kathy Miller, ce sera l'actrice Natalie Portman qui se verra offrir le poste. Après son succès dans Star Wars épisodes 1 et 2, Portman refusera le projet. Ce sera finalement l'actrice britannique Romola Gary qui obtiendra ici son tout premier rôle dans une production hollywoodienne. L'actrice avait reçu des éloges pour ses précédentes prestations, notamment dans les films britanniques The Last of the Blonde Bombshells, Attachments et A Capture the Castle. Cilla Ward, John Slattery, January Jones et Mika Burim compléteront la distribution alors que Patrick Swayze acceptera de revenir comme instructeur de danse. Le réalisateur Guy Ferland, surtout connu pour son travail à la télévision, sera embauché à titre de réalisateur alors que Miranda Garrison, qui avait été assistante chorégraphe et actrice dans le premier Dirty Dancing, reprendra ici son rôle à titre d'assistante chorégraphe, faisant d'elle et Swayze les deux seules personnes à avoir travaillé sur les deux longs-métrages. Aucun des deux acteurs principaux n'avait eu de formation professionnelle en danse. Avant le début de la production, les deux jeunes comédiens passeront plus de 10 semaines à Porto Rico et s'entraîneront plus de 8 heures par jour avec la productrice Johan Fregalet Jensen et 4 autres danseurs et chorégraphes. Le film sera tourné à Porto Rico, la majeure partie ayant été réalisée dans la partie coloniale de San Juan, un lieu de rencontre très populaire pour les Portoricains et une zone très touristique. Afin de maintenir l'apparence et l'esthétique de l'ère pré-révolution cubaine, les producteurs ont sécurisé des places de parking souterrains pour les personnes qui visiteraient le vieux San Juan pendant le tournage afin qu'il n'y ait pas de voitures modernes garées dans les rues. Le tournage fut une expérience très négative pour l'actrice Romola Gary, car les cinéastes étaient obsédés par le fait d'avoir quelqu'un de maigre pour le personnage de Cathy et mettront alors une immense pression sur la jeune femme pour que cette dernière perde du poids. Cette expérience l'amènera à réévaluer sa participation à des productions hollywoodiennes, tout comme une situation malaisante survenue entre elle et le producteur Harvey Weinstein, dont la compagnie Miramax coproduisait le long-métrage. Au niveau musical, ce sera le compositeur brésilien Heitor Pereira qui s'occupera de la trame instrumentale et qui amassera de nombreux numéros musicaux chantés par des artistes contemporains avec une saveur quelque peu cubaine. Lorsque le film sortira en salle au début de l'année 2004, les critiques seront mitigées et le film sera mal reçu par l'auditoire, n'amassant qu'un maigre 14,1 millions de dollars sur le continent nord-américain et 13,6 millions au niveau international, le film ne rentrant tout simplement pas dans ses coûts de production. Durant cette même période, Dirty Dancing sera adapté pour la scène en tant que comédie musicale. Intitulé Dirty Dancing, The Classic Story on Stage, ce spectacle sera produit par Jacobson Entertainment en Australie pour 6,5 millions de dollars. Écrit par Eleanor Bergstein et contenant les mêmes chansons que le film et quelques scènes supplémentaires, la pièce théâtrale sera sous la direction musicale de Chong Lim et la production initiale mettait en vedette Kim Valentine et Joseph Brown. Bien que les critiques aient été très mitigées, la production sera un véritable succès commercial, vendant plus de 200 000 billets au cours de ses 6 premiers mois. Il y aura par la suite des tournées à guichets fermés en Allemagne et dans le West End de Londres en octobre 2006, avec la prévente la plus élevée de l'histoire de Londres, amassant plus de 12 millions de dollars. En mars 2011, plus d'un million de personnes avaient vu la comédie musicale à Londres, les billets se vendant tous 6 mois à l'avance. La tournée prendra fin en juillet 2011, après 5 années de succès. Par la suite, ce spectacle sera de nouveau présenté au West End à Piccadilly Theatre du 13 juillet 2013 au 22 février 2014, avant de reprendre sa tournée au Royaume-Uni et en République d'Irlande. En 2006, une production new-yorkaise sera au stade de la planification et sera présentée dès mai 2007 dans différentes villes nord-américaines. Le spectacle battra alors des records au box-office, vendant plus de 2 millions de dollars le premier jour de la vente des billets dans la ville de Toronto, au Canada. Après la ville canadienne, la comédie musicale se transportera à Chicago en septembre 2008, suivie de Boston en février 2009 et de Los Angeles en avril de cette même année. Suite à ce succès monstre nord-américain, une tournée américaine officielle débutera par la suite en septembre 2014 à Washington, avec des dates prévues dans plus de 31 villes aux États-Unis. En janvier 2011, la compagnie de production Lionsgate annoncera que le chorégraphe Kenny Ortega, qui avait travaillé sur les 2 films précédents de la franchise Dirty Dancing ainsi que la série télévisée, dirigerait un remake du long-métrage de 1987 sous la forme d'une mini-série pour la télévision. L'actrice Abigail Breslin, qui avait fait ses débuts au cinéma dans le drame de science-fiction Signs de Mark L. Night Shyamalan, sera officiellement attachée au projet dans le rôle principal. Cependant, le projet sera abandonné l'année suivante. En décembre 2015, Lionsgate Television s'associera avec la chaîne de télévision ABC pour produire une mini-série de 3 heures. Breslin demeurera dans le rôle de titre et sera rejointe par l'actrice Deborah Messing en janvier 2016. Le mois suivant, après un long processus d'audition, ce sera le danseur Colt Pratz qui sera annoncé dans le rôle de John. En mars, Sarah Hyland, Bruce Greenwood, Billy Dee Williams et Shane Harper compléteront la distribution aux côtés de Beau Smart, G. Quinton Johnson, Trevor Eichhorn, Kathy Sagal et Tony Roberts. Il faudra cependant convaincre l'actrice Nicole Scherzinger d'accepter le rôle de Penny, car cette dernière avait une opposition personnelle face à l'avortement, un événement tragique que devra vivre son personnage dans le film. Jennifer Grey sera également approchée pour un caméo dans ce remake, mais cette dernière refusera. Ce sera le réalisateur australien Wayne Blair qui avait eu un énorme succès avec le film The Sapphire en 2012 et The Turning en 2013 qui remplacera Ortega à la réalisation, ce dernier étant trop occupé à la mise en scène de deux films, soit Descendants Part 2 et A Change of Heart. Alors que le scénario sera écrit par Jessica Scharzer et Callison Shearmore deviendra attaché au projet en tant que productrice exécutive, ce sera John Lindley qui aura la responsabilité de la chorégraphie du long-métrage. Le tournage aura lieu entre avril et mai 2016 à Hendersonville, dans l'ouest de la Californie du Nord. Les villes de Asheville, Cashiers et Saluda seront également choisies pour le tournage et ce seront les habitants de cette région qui seront embauchés comme membres de l'équipe de production, de figurants et de danseurs. Ces derniers ont même été invités à fournir des voitures des années 1960. Une grande partie du tournage aura lieu au Hampton Inn à Cashier ainsi qu'au Canuga Conference Center à Hendersonville. La mini-série de 3 heures sera diffusée le 24 mai 2017 sur les ondes de ABC, amassant plus de 6 millions d'auditeurs, ce qui s'avéra le mercredi le plus regardé de la chaîne de télévision en près de 7 mois. Malgré cela, les critiques furent très négatives, tant au niveau des médias que des spectateurs. Du côté de la télé-réalité, une première série intitulée Dirty Dancing, Living the Dream sera réalisée en 2006 et mettra en vedette 18 femmes aspirant à devenir danseuses professionnelles. Durant chaque épisode, ces femmes seront jumelées avec des danseurs masculins professionnels et compétitionneront jusqu'à ce qu'une seule ne remporte la compétition. Une seule saison de 8 épisodes sera réalisée avant l'annulation de ce projet. L'année suivante, une série britannique de concours de danse intitulée Dirty Dancing, The Time of Your Life, sera créée et s'avéra beaucoup plus populaire. Créée pour le 20e anniversaire du film, cette série sera tournée à Mountain Lake Lodge et obtiendra suffisamment de public pour durer 2 saisons. Miranda Garrison, chorégraphe adjointe pour le film original, apparaîtra ici comme l'une des juges. Mais ce sera la série télé-réalité australienne de 2019, intitulée The Real Dirty Dancing, qui se rapprochera plus du concept du film de 1987. En effet, la série embauchera des acteurs et actrices et les enverra à la station balnéaire de Kellerman sur les lieux du tournage du long-métrage original, où ceux-ci apprendront les mouvements de danse du film et recréeront les scènes mémorables de ce dernier. Une version britannique suivra en 2020 avec une distribution qui mettra en vedette des artistes tels que Howie DeRoth, des Backstreet Boys, l'ancienne lutteuse de la WWE Brie Bella et Corbin Blue du High School Musical. En 2020, l'actrice Jennifer Grey annoncera qu'elle reprendra le rôle de Baby Houseman dans une suite du film de 1987, cette dernière travaillant actuellement très fort avec la compagnie Lionsgate sur ce projet. Elizabeth Chomko, Jonathan Levine, Mickey Daughtry et Tobias Lakonis travaillent actuellement sur le scénario de ce film qui sera mis en scène par le réalisateur Jonathan Levine qui avait mis en scène des films tels que 50-50 et Long Shot. Le film est prévu en salle pour le 9 février 2024. Du côté des points forts pour Dirty Dancing Havana Night, eh bien, le film prend du temps à prendre sa place, mais la deuxième moitié du long-métrage est tout de même intéressante. Au niveau de la distribution, le jeune comédien mexicain Diego Luna perce l'écran alors qu'il fait également plaisir de revoir l'acteur Patrick Swayze ici, surtout pour les amateurs du film original de 1987. Mais c'est surtout les points faibles qui nous frappent ici. Le réalisateur Guy Ferland, habitué à la télévision, nous donne ici un long métrage qui nous donne l'impression d'écouter un film réalisé pour la télé, dans lequel le charme musical du film original n'y est tout simplement pas. De plus, sa réalisation mécanique ne perce tout simplement pas et va même empêcher certains comédiens de nous donner ici une meilleure prestation. Le scénario est véritablement statique et conventionnel, tout comme l'intrigue qui aurait pu être vraiment meilleure si l'on s'était beaucoup plus attaché à l'aspect politique de la situation cubaine de l'époque où se déroule le film. Au final, la conclusion du long-métrage aurait pu être tout simplement exceptionnelle et nous montrer des moments de danse enlevant, mais le réalisateur filme le tout trop proche, ne nous permettant pas de voir quoi que ce soit d'intéressant et en plus, il coupe la compétition finale avant la fin, nous donnant l'impression que finalement, on s'est fait jouer un vilain tour et que le spectateur n'a jamais eu ce qui lui avait été promis au niveau du titre du long-métrage. Au niveau de la trame sonore du film, c'est le compositeur portugais Hector Pereira qui nous a donné ici la trame instrumentale. Lui qui avait travaillé sur les films Spy Kids, Haven et Beverly Hills Chihuahua. Je vous fais écouter ici un segment de la trame sonore de Dirty Dancing, Havana Night. Côté des cotes artistiques, Mediafilm a coté le film Dirty Dancing version 1987 un 4. J'y vais également avec une cote 4. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma avait coté le film général. J'y vais également avec une cote pour tous. Du côté de Dirty Dancing, Havana Night, eh bien, la régie du cinéma a coté le film 5. J'y vais également avec un 5 solide. C'est un film qui est moyen. Au niveau de la régie du cinéma, on y va avec une cote générale. J'y vais également avec une cote pour tous. pour Dirty Dancing, la version 2017, soit le remake, j'hésite entre un 5 et un 6 au niveau de la cote, mais je vais aller plus vers le 6. Des bons côtés, bien, les segments de danse sont tout simplement intéressants dans la majeure partie des cas. Et il y a aussi quelques changements au niveau du scénario qui font, je trouve, mieux avancer l'histoire que le film original. Ce qui est intéressant aussi avec cette nouvelle version de 2017, c'est qu'on s'intéresse beaucoup plus ici à la relation entre la mère et le père de Baby, ce qui est également quelque chose de plus intéressant que le film de 1987. Mais du côté des défauts, mon Dieu, le scénario et la mise en scène sont vraiment mécaniques, ne faisant que reproduire sans vie les différents moments forts du long-métrage de 1987. Le fait que le réalisateur ait décidé de faire chanter les acteurs aussi, parce qu'on transforme le film en une véritable comédie musicale lors des différentes séquences de musique, c'est totalement ridicule et ça brise totalement la crédibilité du film. Finalement, la distribution est moyenne tout au plus, notamment l'actrice Abigail Breslin, qui vraiment n'a pas sa place ici, beaucoup trop stiff pour jouer le rôle de Baby, massacrant totalement la séquence finale alors que celle-ci réalise la fameuse séquence du lift à la fin qui transforme une des séquences les plus mémorables du film original en un des moments les plus embarrassants de ce remake-là, le mouvement manquant totalement de grâce, malheureusement à cause du physique de l'actrice. Au niveau de la série télé Dirty Dancing, eh bien, pour les bons côtés, je vous dirais, au niveau de la distribution, beaucoup plus intéressant, je vous dirais, ce qui se fait dans Dirty Dancing, la série télé, que ce qui s'est fait dans les prequels ou dans les remakes. Donc, au niveau de la distribution, je trouve que personnellement, les comédiens sont juste à point. La musique également est reprise et est excellente là-dedans, tout comme les segments de danse qui sont vraiment bien et qui nous rappellent le film de 87. Et également, ce qui est intéressant, c'est que les changements apportés au niveau du scénario nous permettent quand même d'avoir une meilleure évolution puis d'en apprendre un peu plus sur les personnages et de voir plus de choses dans leur vie que ce que l'on a vu dans le film original. Mais du côté des points faibles, ben c'est sûr que c'est une série télé avec des épisodes de 30 minutes. Donc, les scénarios sont assez simplistes. Une résolution de dénouement d'épisodes qui se fait quand même assez rapidement. La mise en scène est vraiment basic. Et ça fait en sorte que certaines interprétations, par moment, tombent également dans l'aspect moyen, c'est-à-dire qu'on aurait pu assister à de meilleures interprétations que ce qu'on a, mais c'est une série télé, donc il faut que les caméras roulent. Alors, c'est peut-être le gros défaut. Ce que je trouve dommage, c'est que Dirty Dancing n'ait pas trouvé d'auditoire, parce que je pense que bien qu'il y ait eu des changements avec le film original, je pense qu'avec tout ce qu'on a eu par la suite, Dirty Dancing est quelque chose qui peut être vachement intéressant à regarder. Au niveau des trames sonores, eh bien, Dirty Dancing, la version 87, est disponible en vinyle et en CD. Ça, c'est sorti sous l'étiquette RCA le 4 août 1987. Vous avez More Dirty Dancing, qui est également sorti en vinyle et en CD, qui a été distribué par les étiquettes RCA le 1er mars 1988. L'étiquette Sony Legacy va sortir le 1er mai 2007 un CD qui va s'intituler Dirty Dancing 20th Anniversary Edition. Cette même compagnie, encore une fois, Sony Legacy, va sortir le 21 septembre 2012 Dirty Dancing de Deluxe Anniversary Edition. Et finalement, l'étiquette RCA sortira le 1er décembre 2017 un CD et un vinyle qui s'intitule The Ultimate Dirty Dancing. Du côté de Dirty Dancing Havana Night, eh bien, c'est l'étiquette Sony Legacy qui va sortir un CD le 17 février 2004 avec 12 chansons étant apparues dans le film. Pour le remake, eh bien, nous avons Dirty Dancing qui est sorti en CD et qui va être distribué par les étiquettes Virgin Records le 19 mai 2017. 17 segments musicaux seront inclus sur cette trame sonore. Donc, c'est pas mal ce qu'on peut retrouver du côté musical. Du côté des DVD et des Blu-ray, eh bien, on va y aller avec Dirty Dancing original. Il y a tellement de versions qui existent, 20e anniversaire, Ultimate Edition et ainsi de suite. C'est tout en Blu-ray et en DVD, en français et en anglais. Donc ça, c'est facile à trouver. Du côté de Havana Night, eh bien, c'est un film que vous pouvez avoir en DVD. Je n'ai pas trouvé de version française, mais je suis à peu près sûr que ça doit exister. Si je ne me trompe pas, il y avait un coffret double dans